faut-il un peu d'or. D'organisation, c'est logique. Bon, à nous cinq, y a pas d'erreur. Nous représentons tout le bonheur domestique. Je suis l'enfant, moi la maîtresse. Je suis le mari, je suis l'amant, moi le protecteur. Que dans chaque pièce, on verra constamment, indubitablement, inévitablement. Nous formons le quintet, que dans toute opérette, d'audran ou de planquette, on verra s'embrasser. Si le beurre par principe se remplace par le type, nous sommes nous les cinq types qu'on ne peut pas remplacer. Nous formons le quintet, que dans toute opérette, d'audran ou de planquette, on verra s'embrasser. Si le beurre par principe se remplace par le type, nous sommes nous les cinq types qu'on ne peut pas remplacer. Nous formons le quintet. Attendez, maintenant que le bonheur domestique est rétabli, je propose que vous preniez la pause. Ah, puis non, toute réflexion faite, je trouve qu'il est temps d'aller se coucher. L'opérette est terminée.